Just a mention of your name. Pour tous ces moments passés. Turns the flicker to a flame. Toutes ces paroles échangées. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire mon cœur. Merci à toute ma famille, à tous mes amis, à ceux qui me soutiennent et ce depuis plus d'une décennie. Merci aux anciens, oui, de m'avoir causé, de m'avoir parlé. Jamais je ferai les mêmes erreurs et ça, oui, tu le sais. Merci à la providence de la vie de m'avoir protégé. Car oui, des fois j'ai fauté, oui, des fois j'ai volé. Mais c'était pour la bonne cause, oui, man, c'était pour manger. Merci la vie, donc aujourd'hui, de ne pas être enfermé. Merci à mes parents d'avoir tenu, de ne pas avoir lâché. M'avoir fait découvrir des paysages, même si je me plaignais. Merci de m'avoir ouvert l'esprit sur les prochaines années. Maintenant j'ai un bagage et je ne peux plus m'en délester. Merci à tous ces gens qui ont voulu, oui, profiter de moi. J'en sors plus fort, personne ne pourra me bluffer. Merci à la rue aussi de m'avoir fait tant galérer. Après des nuits dans le froid, je sais ce qu'est la chance de s'abriter. Merci à tous nos frères et sœurs, oui, engagés, qui nous ont montré une autre façon de vivre, de méditer. Merci à tous ceux qui se sont battus, ont persisté, qui ont monté leur bise après un dur labeur de longues années. Merci aux activistes, associations, aux forcenés, qui représentent une cause, se battent, oui, pour leurs idées. Merci. Cette chanson simplement pour dire merci. Merci. C'est quelques lyrics simplement pour vous dire merci. Merci à nos anciens de ne pas s'être détournés. Apprendre à survivre dans ce monde, ils nous enseignaient. Merci à l'éternel de m'avoir permis d'être sensé. Pas de retour en arrière, pour ça je dois le remercier. Merci au soleil tous les jours sur nos têtes de briller. Tu nous donnes le sourire, pourquoi vouloir se le cacher. Merci à ce tour de France que j'ai fait dans l'illégalité. Je peux pas dire que j'ai rien vu, que je n'ai rien à raconter. Merci à tous les DJ, MC et rappeurs engagés. Car c'est la voie que j'ai choisie, vous m'avez inspiré. Merci à la vie sur mon chemin de m'avoir bluffé, car une fois les épreuves passées, au moins tu peux en parler. Merci à l'amour, le respect et aussi l'humilité. Aujourd'hui ils me permettent de vivre, de respirer. Merci aux ennemis, à tous ceux qui ont voulu abuser. Je suis devenu plus fort, je connais aujourd'hui ma destinée. Merci Dieu d'être ni musulman, ni juif, ni athée. Aujourd'hui j'ai la foi et rien ni personne ne peut me l'enlever. Merci à mes origines, à mon sang mélangé. Je peux penser autrement et personne ne peut me déranger. Merci. Cette chanson simplement pour dire merci. Merci. C'est quelques lyrics simplement pour vous dire merci. Merci. Merci à toutes les femmes, oui, qui m'ont supporté. Big up à toi, la première que jamais je n'oublierai. Merci au système finalement de m'avoir mis de côté. J'ai découvert un paradis alors que t'es en train de t'écrouler. Merci à King Selassie, Iman, oui, le premier. Comme beaucoup de prophètes, ils sont là pour tous nous guider. Merci aujourd'hui d'avoir encore mes rêves de gamin. C'est bien pour eux que je me bats, qui me font penser et sentir bien. Merci d'être né des brouillards dans ce monde de vauriens. Maintenant je peux faire quelque chose quand quelqu'un me tend la main. Merci à tous les youths aujourd'hui de rester comme vous êtes. C'est bien pour vous l'avenir, alors je me prends plus la tête.